vit son rêve, l'a brisé, je sais. Elle a mis son cœur dans un endroit secret. Elle voulait juste rire, se voir dans mes bras. Elle a pris son être, lâché tout en bas. J'ai gardé mon être, rien jeté, tu sais. Et j'ai mis mon cœur dans son endroit secret. J'aurais voulu l'aimer et son rêve grandir, voir dans ses baisers ce qu'elle n'a pas su dire. Autant maintenant, on prend le même chemin, la même route en chantant. On se tient même la main, je te sens près de moi, mais je n'entends rien. Je sens la main sur moi, mais je ne vois rien. On m'avait dit qu'un jour, je repartirais, mais jamais pour toujours, comme un vieux secret. On m'avait dit bientôt, tu trouveras l'amour, mais jamais que la faux allait finir les jours. Que dois-je faire maintenant? Que dois-je espérer? J'ai passé mon temps à chercher ses secrets. Je ne vois plus rien qui m'attache à ce monde. Pourquoi ne pas rejoindre la vie qui me compte? Je prépare mon cœur, ressens ce qu'il subit. Je peux savoir maintenant ce qu'elle a ressenti quand elle a sauté, qu'elle a laissé tomber. La dernière chose qu'on voit quand on se laisse filer. Pourtant je l'aimais, j'ai trouvé le même chemin, la même route en dansant, en se tenant les mains. Je la sens près de moi, je l'entends enfin. Je suis parti cette fois car je peux voir ses mains. Dira un jour, je repartirai, et sûrement pour toujours, cette fois je serai prêt. On me dira bientôt, je trouverai l'amour, et sûrement que l'amour me prendra à son tour. La vie perdue, tu sais.